C'est l'histoire des planètes. Ces planètes sont tellement magnifiques, avec toutes ces petites étoiles gentilles et sympathiques. La planète, c'est très facile. Pour vivre, pour respirer, plein de vitamines. Vous savez que les planètes sont mortes. Mais ces vitamines-là. Mais il y a beaucoup de planètes que... où il y a du vivant. Alors, sur ces planètes. Ces petites planètes se concisionnent avec mes amis. Poussière. C'est seulement poussière. La poussière, c'est du phallus, du cactus. En fait, nous, les êtres humains, on n'est fait que de poussière. Voici l'histoire que je raconte. C'était un jour une planète qui était poussière. Cette planète-là était vivante. Il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau, beaucoup de choses et beaucoup d'oxygène autour. Et de tout ce monde-là, de toutes ces planètes, on est vivant. Il y a plein de petits bonhommes. Tout être humain est hématome. Sur cette planète. Elle ne peut pas. Elle meurt. Au revoir. Et après, elle peut revenir. Au revoir, mes petits. Et bonjour à papa, maman. Et au pépé, mémé, et mimi, et doudou. Au revoir. Alors, sur cette planète, il y a du sodium, du calcium, de l'onclium, du cotium, du phallus, du cactus, ratacus, pitus, petit bonhomme. Mais les savants ne savent pas tout. C'est normal. Lavage du cerveau. Ah, poubelle. Il est naturel, une ordure. Mais moi, je veux dire la vérité, moi, ce que c'est, moi, les planètes. Les planètes, c'est favoriser la vie. La vie et l'environnement et tout l'univers entier. C'est très facile. Aussi nombreux sens naturels vont se fondre sur la Terre. Vivez les exemples de Aldo, police de l'univers, le génie, l'invisibilité. Au revoir, mes petits. La vérité, c'est que il y a les esprits aussi, les volatiles. Il y a bien une chose qu'a fait la planète. Il y a un soleil sur la Terre, il y a un maître. Il y a un maître qui a créé tout ça. Qui va créer une chose qu'on ne crée pas? Un soleil. Sodium, calcium, thorium, cotium, phallus, cacus, racacus, pitus, petit bonhomme. Les étoiles sont faites illuminées. Une planète grande et ouverte. Avec plein de choses qui sont cachées à l'intérieur. Calcium, thorium, cacus, phallus, racacus, pilus, milus, cucus, cucus, diplodocus. L'homme de l'univers est toujours là. Hématome. Tout être humain est hématome. Petit bonhomme. Il y a des choses qu'on peut dire. Mais moi, je peux vous les dire, moi. Les esprits existent. Sodium, calcium, anthurium, protium, phallus, cactus, ratacus, pitus. Petit bonhomme. Sodium, calcium, anthurium, phallus, cactus, ratacus, fœtus. Petit bonhomme. Au revoir, mes petits. Si on est bon sur la Terre, la force centrifuge. Si on est mauvais sur la Terre, la nature nous détruira. Diplodocus. Des planètes qui meurent, il y en a qui vivent, il y en a qui renaissent. Vive Aldo. C'est comme les étoiles. Vive cette. Aldo Vega. Ce qu'il faut regarder, c'est la nature, mes enfants. Suivez les conseils. L'univers, les arbres, les fleurs. Et une planète qu'il faut aider pour qu'elle s'en sorte. Ne pas la détruire. Voilà. L'univers est très grand avec plein d'étoiles. Et ces petites étoiles sont brillantes, elles sont gentilles, elles sont sympathiques, si vous les aimez. Au revoir mes petits.